Le lendemain, lorsque Melchior arriva à la villa, il ne savait pas encore exactement quelle attitude il adopterait. Olga n'était pas présente. Gauthier, Nils et Clara demeuraient silencieux sur la terrasse. Dès qu'elle l'aperçut, Clara disparut dans la maison. Nils, le regard mauvais, ne bougea pas d'un pouce. Gauthier, surpris, embarrassé, mais au fond content de le voir, l'accueillit de manière un peu bourrue. « Je venais prendre de vos nouvelles, » dit Melchior d'un air entendu. « C'est à vous qu'il faudrait poser la question, » dit Gauthier. « Comment va Serena ?» Melchior comprit immédiatement que Gauthier brûlait de parler de Bruck sans oser le nommer, et décida de rentrer dans son jeu. « Elle est très affectée, » inventa-t-il, « mais elle regarde vers l'avenir et non vers le passé. » Gauthier hocha la tête. « Certains événements nous rappellent un peu abruptement à notre condition, » dit-il, « et nous exhortent à la prudence. » Renchérit Melchior. « Tout à fait, » dit Gauthier. « J'espère que je ne vous dérange pas trop et que ma visite après tout ce temps n'importunera pas Clara. » Gauthier soupira et haussa les épaules. « Vous connaissez les femmes, » dit-il. « Elles sont très sensibles. » « Mais j'avais besoin d'un peu de compagnie ce matin. Nos discussions me manquent un peu, » ajouta modestement Melchior en baissant les yeux. Gauthier se départit franchement de sa défiance et tapa paternellement sur l'épaule de Melchior. « Le temps arrange bien les choses, mon garçon. Il faut laisser le temps au temps. Vous prendrez un café. Olga en a préparé des litres ce matin. Volontiers, » dit-il. Gauthier se retira quelques minutes et Melchior saisit l'occasion qu'il attendait. « Nils, » chuchota-t-il en s'approchant du jeune homme, « il faut absolument que je vous parle en privé. » Le garçon leva les yeux, intrigué mais méfiant. Melchior admira le jeu d'expression qui remplaçait chez lui le langage. « Je n'ai pas le temps de vous expliquer maintenant, mais accompagnez-moi tout à l'heure. C'est une question de vie ou de mort. » Il ne put savoir si l'hameçon avait pris car Gauthier arriva, bonhomme avec trois tasses fumantes. « Je t'en ai fait un aussi, Nils. » Le jeune homme le remercia du regard et prit la tasse. Melchior était de plus en plus convaincu qu'il était au courant du double jeu d'Olga et que c'était là la raison de son silence. « Vous direz à votre femme que son café est excellent, » dit Melchior. « Ah !» plaisanta Gauthier, « le café est son péché mignon, son talon d'Achille. » Nils eut un rictus moqueur qui n'échappa pas à Melchior. La conversation tourna autour de la politique internationale, du danger de guerre en terre boréale, de la difficulté de se procurer de bons médecins, de la maladie de Léandry. Puis Melchior prit congé, excédé mais jovial, et Gauthier ne remarqua pas le pas silencieux de Nils qui emboîtait celui de Melchior. Dès qu'ils furent hors de vue, Nils s'arrêta, Melchior l'imita et jaugea un instant le personnage. Puis il récita la tirade qu'il avait apprise par cœur. « Je sais que c'est votre mère qui dirige cette communauté, et je sais également qu'elle a décidé de faire place nette. » La tension de Nils était perceptible, mais Melchior aurait juré qu'il ne s'était pas trompé. Le jeune homme était surpris que Melchior détienne cette information, mais il n'était pas surpris par son contenu. Cela l'encouragea à continuer avec plus de naturel. « Pour être tout à fait franc, j'ai reçu l'ordre de vous tuer. » Nils tressaillit et se mit à tripoter compulsivement la boucle de sa ceinture. La rage qui se lisait en lui était très prometteuse. « Je suis révolté par cet acte contre nature, » poursuivit-il. « Je ne veux pas risquer ma vie, mais je refuse de prêter mon bras à cet infanticide. » Nils était blême et ses yeux aussi entre la colère et l'amertume. « Comprenez-moi, ni vous ni moi ne serons en sécurité tant qu'elle sera en vie. » « Ce que je vous propose, c'est de vous épargner et de vous laisser laver votre linge sale, en famille. » Nils avait baissé la tête et la releva longtemps pour regarder Melchior. « Je n'ai rien d'autre à vous dire, » improvisait Melchior, « mais le temps presse. J'ai reçu l'ordre de vous effacer avant la fin de la semaine et de jeter votre cadavre du haut de la falaise. » Ce détail sordide agit comme un déclic. Nils s'inclina courtoisement et se frappa la poitrine avec son poing en signe de remerciement. Ses yeux humides exprimaient une détermination glaçante. Tandis qu'il s'éloignait, Melchior se félicita de ce trait de génie. Ce mensonge était d'une habileté incroyable. Son intelligence, une fois de plus, ne lui avait pas fait défaut.